Jean-Pierre Marsal n'est plus 202 Project, il est lui-même et il va nous faire le plaisir de nous offrir un petit live acoustique avec une choriste en featuring. Je suis dans cette ville depuis si longtemps que je n'y connais plus personne. Ces murs sont sourds à mon mal de dents, mais de jolis souvenirs y résonnent. Je ne demande pas mon chemin, je ne demande où sont les gens que j'ai connus sur le chemin que je parcours de temps en temps. Mais je ne connais plus personne, mais je ne connais plus personne. De quelques vies se déroule au gré de ces lieux familiers, et je devine parmi la foule quelques silhouettes accoutumées. Il y avait là un cinéma, il y avait là un petit café, à la place un parc ou une villa, et quelques silhouettes accoutumées. Mais je ne connais plus personne. Je ne connais plus personne, mais je ne connais plus personne, mais je ne connais plus personne. Visage, et j'ai voulu aller lui parler, mais finalement ce n'était qu'un mirage. De commun nous n'avions que le passé. Je ne demande pas mon chemin, je me demande où sont les gens que j'ai connus sur le chemin que je parcours de temps en temps. Plus personne, mais je ne connais plus personne, mais je ne connais plus personne, mais je ne connais plus personne. Alors, Lise est partie, donc je ne vais pas faire tout de suite le morceau. Elle a finalement fui, la choriste. Elle a fui. Mmh. Lise, tu veux faire un morceau avec moi? Je ne sais pas trop. Ah. Eh ben, ah. Viens. Voilà. Voici l'entrée de Lise. C'est l'orage que je... Ah, hop, attends, Lise va prendre son casque. Oui, tout à fait. Voilà. Petit détail technique. Un petit détail technique, c'est tout pas grave. Fait. C'est bon ? Allez. C'est l'orage qui arrive, je l'entends chuchoter, sa voix grave dans les cimes. Refroidit la chaussée, je l'entends chuchoter, je le sens refroidit la chaussée. C'est l'orage que je vois obscurcir le ciel bleu, sa robe noire sur les toits fait frémir même le feu. Je l'entends chuchoter. Je le sens, refroidir la chaussée. C'est l'orage qui nous vient, il est gros, oui crois-moi, toute la rage qu'il contient finira tout en bas. Je l'entends chuchoter. Je le sens refroidir la chaussée. Je l'entends chuchoter. Je le sens refroidir la chaussée. Oh yeah. Ouh là là. Il joue souvent Jean-Pierre à la maison de la guitare? Oui. Tout le temps? Non, pas tout le temps, mais des fois. Mais des fois. Est-ce qu'il te joue des musiques douces pour que tu t'endormes? Non. Non? T'as jamais... je m'endors toute seule. Oh, tu t'endors bien, t'as trop de la chance. Et des fois, vous chantez ensemble comme ça ou... Oui, des fois. Oui, des fois, oui. Mais vous n'avez pas encore fait un groupe, quoi? Non. Non, pas officiel, encore. Quoi. Non. Ouais. Tu dois être trop prise, Lise, aussi. Ouais, trop demandé. Ouais, puis elle a trop de trucs à faire. Bah ouais, c'est ouais, normal, ouais. C'est normal. Qu'est-ce que je vous joue, moi? C'est toi qui choisis, hein. Bah, j'en ai plein, ouais. Alors, mais faut... Bah ouais, j'ai ouais, envie vas-y. De chanter un autre. Ah. Alors. Eh bah oui. Encore un tour? Je fais le refrain. Allez, encore un tour. Ton geste tendre là sur mon bras guidera la danse au-dessus des toits. Et la grande roue nous portera à qui le tour, à nous je crois. Encore un tour, encore un tour. Et puis on s'en va, et puis on s'en va. Toutes les lumières allaient cesser sans avoir l'air de se presser. Des groupes de gens le pas traînant dégustaient l'air de cet instant. Encore un tour, encore un tour, et puis on s'en va, et puis on s'en va. La nuit se couche sur notre amour et les souvenirs sont pour toujours. Et où que j'aille dans la mêlée, je ne serai plus seul dans mes pensées. Encore un tour, encore un tour, et puis on s'en va, et puis on s'en va. Encore un tour, encore un tour, et puis on s'en va. et puis on s'en va. Merci, merci public. Bravo Lise, bravo, super. 6 ans, première radio, tranquille. Mais ouais, mais ouais. Allez, je vous en fais une petite dernière. Allez, avec plaisir. Je chante encore. Bah après, je sais pas si... Allez. Je sais pas si tu la connais bien, celle-là. Bon, on fait comme tu veux. C'est laquelle ? J'ai pas le temps d'être ambitieux. Nous étions jeunes et sans armure, nous défions même le soleil. De l'arrogance de nos blessures à l'insouciance qui touche le ciel. Nous voulions soulever les montagnes sans crainte de manger les cailloux. Nos vieilles cicatrices en témoignent, nous étions forts, nous étions fous. Et puis le temps, ce vieux grinche, nous a rappelé face au miroir. J'ai plus le temps d'être ambitieux. Oh non, j'ai maintenant des lunettes pour voir. Tous les vents qui rafraîchissent, tout ça ne dure que peu de temps. Comme toutes les jeunesses qui fleurissent sous les mots doux de leur maman. Nous avions mangé les montagnes tout en recrachant les cailloux. Le ciel, les étoiles en témoignent, la vie nous brûlait jusqu'au cou. Et puis le temps, ce vieux grinche, nous a rappelé face au miroir. J'ai plus le temps d'être ambitieux. Oh non, j'ai maintenant des lunettes pour voir. Merci. Vous êtes bien sur le 895 de Radio Duo et vous venez d'entendre un incroyable duo Jean-Pierre et Lise Marsal.